ce je n'existe pas. Dis-moi pourquoi j'existerai. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Ce je n'existe pas. J'essaye d'inventer l'amour comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour qui ne revient pas. Ce je n'existe pas. Dis-moi pour qui j'existerai. Des passantes s'endormis dans mes bras, que je ne meurrai jamais. Si tu n'existes pas, je ne serai qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va. Je m'y sentirai perdu. J'aurai besoin de toi. Si tu n'existes pas, dis-moi comment j'existerai. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serai pas vrai. Je n'existe pas, je crois que je l'aurai trouvé. Le secret de la vie, le pourquoi, simplement pour te créer et pour te regarder.